Dans les gorges, planter les sardines. Les faucons d'en haut surveillent les presqu'îles. Y'a bien des raisons. Les écureuils noirs. La tête hors de l'eau. Les ragondins et les belles d'un soir. Architecture de galère. Et qu'est-ce qu'elle a au visage? Le solaire pédale. Des fleurs dans les nuages. Le vent ramène le sable. Le sable dans le regard. Le frisson de désespoir.